Radiomatic. Le 16 février dernier, les électronistes ont pu assister au concert qu'a donné le groupe montréalais Soons au Zénob à Trois-Rivières, un spectacle préparatoire à leur tournée qui sera lancée après la sortie de leur prochain album. Et cette tournée les amènera aux États-Unis, en Europe et pour la première fois, comme nous le disait le chanteur Ben Chimmy, en Asie. Pour la toute première fois de l'histoire du groupe, ils pourront offrir des spectacles sur le continent asiatique et ils pourront bien sûr présenter les pièces de leur plus récent album, Felt. D'ailleurs, les électronistes ont pu acheter en primeur l'album Felt, version vinyle, duquel est tirée la pièce Look No Further, qui a ouvert la transmission 176 d'Audiomatic. Vous êtes donc bien sûr Audiomatic en compagnie des électronistes pour la prochaine heure qui sera dédiée à la musique électronique. Notre intérêt est principalement tourné vers tout ce qui est musical et puisque nous ne sommes pas puristes, nous prenons la liberté d'élargir, le genre électronique à toute musique qui incorpore au moins un élément sonore généré par une source synthétique. L'instrumentation d'une pièce musicale peut donc être acoustique ou électrique si au moins une note ou un bruit synthétique est perceptible lorsqu'elle est jouée. Cette pièce est digne d'être présentée à Audiomatic. You see me. Il s'agissait à Audiomatic du groupe anglais The Sisters of Mercy, de qui nous entendions la chanson Colors de leur deuxième album Floodland, paru en 1987. The Sisters of Mercy a été fondée en 1980 et a fait paraître plusieurs singles jusqu'en 1985, l'année de parution de leur premier album studio First, Last and Always. Par la suite, la formation a sorti, comme nous l'avons mentionné, l'album Floodland en 1987 et Vision Thing en 1990. En 1992, ils ont lancé la compilation Some Girls Wander by Mistake, qui regroupe les singles parus entre 1980 et 1985. Même si le groupe ne nous a rien offert sur disque depuis près de 30 ans, il continue toujours à se produire en spectacle, principalement en Europe. Et pour débuter la séquence My Brightest Diamond, menée par Shara Nova, autrefois appelée Shara Warden, nous présentait la pièce Resonance de son plus récent album This Is My Hand. Le projet Snog de l'Australien David Trussell assure la continuité à Audiomatic. When the working day estuve tomando whisky. Estuve tomando whisky. vous aurez reconnu quelques rythmes et bribes de la partition vocale de la célèbre pièce Loser composée par Beck dans les années 90. Le projet Intiche nous en offrait sa version repensée et remaniée dans un format davantage synthétique tout en conservant certains fragments de la pièce originale. Cette nouvelle version de Loser paraît sur la compilation Mundi Vagante Volume 1, publié par Tropical Twista Records, qui est disponible en téléchargement gratuit sur la page Bandcamp de cette étiquette. Vous trouverez le lien vers le téléchargement de cette compilation sur le profil Facebook d'Audiomatic au facebook.com/audiomatic-cfou. Ce qui précédait, c'était une autre reprise, cette fois de la pièce Whiskey Mallow, originalement composée par le rocker argentin Papou et réinventée dans l'esprit électro par le projet El Remolón. Cette pièce se retrouve sur la compilation Isla, édite par La Victoria, publiée sur l'étiquette Fertile Discos. Et en début de séquence, c'était le projet Snug et sa pièce de ballade qu'on retrouve sur l'album Buy Me, I'll Change Your Life, paru en 1997. Nous l'avons découverte sur le premier album des Chemical Brothers, Exit Planet Dust, en 1993, ce qui nous a poussé par la suite à explorer son œuvre solo. Voici Beth Orton à Audiomatic. lost myself in a tangent. Lost myself in a tangent. Lost myself in a tangent. When you're sitting all alone in the middle of the floor, there's something uncontrollable. You sit there watching the door. Color me, color me, color me. Already feeling tied to your bedside. Slap your thigh, slap your cough. Sing your mantra, leave your walk. Color me, color me. Something fits along my spine. Just giving love from behind. Fortify my arms. Fortify my arms. Come in. From behind, fortify my, color me, color me, color me. So Something fits along my spine. Just giving loving from behind to find my arms, fortify my arms. Ce bloc entièrement britannique se terminait avec Nearly God, un projet parallèle de Tricky, qui nous interprétait une reprise de Siouxsie and the Banshees, soit la chanson Tattoo, et en amorce de séquence, la chanteuse anglaise Beth Orton nous offrait la pièce Tangent, à laquelle a contribué le duo Two Lone Swordsmen, formé de Keith Tenniswood et Andrew Weatherall, qui a aussi fait partie de Sabres of Paradise. La chanson Tangent est tirée du deuxième album de Beth Orton, soit Trailer Park, lancé en 1996. La transmission 176 d'Audiomatic prendra fin sur la musique du compositeur islandais Feu Hoan Gunnar Hoansson, qui est décédé le 9 février dernier à l'âge de 48 ans. La pièce de Burning Mountain se retrouve sur la dernière œuvre qu'il a léguée à l'humanité en 2016. Nous sommes toujours intéressés à lire vos commentaires et vos suggestions, donc continuez à nous écrire à l'adresse audiomatic@commercial.gmail.com. Nos transmissions sont encore plus inspirantes lorsqu'on leur donne une deuxième chance et c'est la raison pour laquelle nous les rendons disponibles en balado-diffusion sur nos plateformes comme entre autres facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Nous serons bien entendu de retour en studio mercredi prochain pour vous offrir en direct la transmission 177 à compter de 17h. Voici donc l'artiste Hoan Hoansson et sa pièce The Burning Mountain. La vie est courte, profitez-en. C'était Audiomatic avec les électronistes.